إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé au cours numéro 32 dans l'explication du livre Al-Adilatu al-Shar'iyya et Kashf al-Talbisat al-Hizbiyya al-Mujtama'at al-Islamiyya du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et on est arrivé, on est à la critique des paroles de Cheikh Abdul Majid al-Zindani. Sinon, je sais pas si je devrais dire Cheikh, mais bon, étant donné qu'il est âgé, on va dire Cheikh. Hein, Cheikh Abdul Majid al-Zindani, Hadahullah. Quand il a mentionné dans une cassette qui s'appelle, c'était quoi le titre de cette conférence qu'il a fait sur l'intikhabat? C'était Al-Intikhabat wa Iradatul Ummah, les élections et la volonté du peuple. Donc ça c'est la deuxième cassette que le chef a critiqué, et là il mentionne un point, c'est le point numéro 7, parmi les mulahabat qu'il avait à faire par rapport à certaines erreurs qu'il a dit, que Abdul Majid al-Sindani a dit dans cette cassette. Donc il dit ici, قال, فإذا تقاعدت وقصرت فإذا تقاعدت قصرت في واجبك وقصرت في حماية الدين وقصرت في اختيار الصالحين وقصرت في الأمة وقصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الذي العام الذي لا يقدم عليه إلا عدو المجلس قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العام الذي لا يقدم عليه إلا عدو مجلس النواب وقصرت في أداء الأمانة إلى أهلها فماذا تجيب على ربك غدا وعلى هذا الأساس أفتى العلماء بأن توكيل الصالحين في هذا الأمر واجب متعين على كل مسلم قادر يقوم بهذا الواجب لأنه معاونة على إقامة الدين وعلى تحقيق الشورى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Le Cheikh, il mentionne donc ces paroles d'Abdul Majid al-Zindani, il dit que lorsque tu as manqué, lorsque tu n'as pas participé aux élections, eh bien tu as manqué dans ton obligation, et tu as manqué dans le fait que tu dois protéger la religion, et tu as manqué dans le fait que tu dois choisir les hommes pieux, et tu as manqué dans le fait que tu dois ordonner le bien et interdire le mal de façon générale, et cette façon-là c'est uniquement en choisissant les membres de la Chambre des députés, c'est-à-dire en choisissant les députés, c'est de cette façon-là que tu vas ordonner le bien, interdire le mal de façon générale. Donc si tu votes pas, tu manques dans ça. Après il dit, si tu votes pas également, tu as manqué dans le dépôt qui t'a été laissé, de le rendre à ceux à qui il appartient, al-amana, qu'est-ce qu'on appelle al-amana en arabe. Al-amana c'est un dépôt, quand quelqu'un t'a confié quelque chose, toi tu dois t'en occuper, tu dois le protéger, tu dois le garder comme il faut et le remettre à qui il appartient. Et donc en ne votant pas, il dit c'est comme si tu n'as pas rempli cette amana. Et il dit qu'est-ce que tu vas répondre à ton Seigneur demain à ce sujet-là. Et donc il dit c'est sur cette base-là que les ulama ont fait une fatwa en disant que c'est obligatoire de désigner certaines personnes pieuses qui vont s'occuper de cette chose-là. hein, de désigner et de donner la responsabilité de ces affaires-là aux gens qui sont pieux pour s'en occuper. Et il dit que ça, c'est une obligation qui est pour chaque individu musulman qui est capable, qui en a la capacité de le faire. C'est une obligation, il dit. Parce que ça fait partie de s'aider dans le fait d'établir la religion et de réaliser Ashura, hein, la consultation, et de faire l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Le cheikh dit قلتو لما كلامك هذا سبع وقفات. Il dit j'ai sept points sur lesquels je veux te corriger sur cette dans cette parole là que tu as dit. Premièrement, قلتو لما كلامك هذا سبع وقفات. الوقفة الأولى قولك فإذا تقاعست قصرت في واجبك وقصرت في حماية الدين. أقول قال تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. متى أصبح الكفر واجبا؟ ألا تعرف بأن علماء الأصول يعرفون الواجب بأنه ما يثاب فاعله ولا ويستحق تاركه العقاب كالصوم والصلاة والحج وغيرها من فرائض الدين؟ فهل أصبحت المشاركة في الانتخابات لها حكم الوجوب كتلك الفرائض؟ قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذي أوجب علينا المشاركة في مثل هذه المبتدعات هم أعداء الله الذين لا يألون جهدا في جعلنا مثلهم. والرسول صلى الله عليه وسلم قد حذر من ذلك كما قال من تشبه بقوم فهو منهم. Le cheikh dit je dois te critiquer sur certains points. Il y a sept points que je veux mentionner en particulier, et parmi les sept points, voici le premier. Quand tu dis lorsque tu n'as pas participé aux élections, tu as manqué dans ton obligation et tu as manqué dans la protection de la religion, le cheikh il répond en disant كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ. C'est comme si ça veut dire quelle grande parole de mensonge qui est sortie de leur bouche. Hein, ils ne font que dire le mensonge. Ça c'est le verset 5 dans Sourate Al-Kahf. Hein. Et après le cheikh il dit depuis quand la mécréance est devenue obligatoire? Parce que la démocratie c'est le kouf. Donc depuis quand quelqu'un peut déclarer le kouf comme étant quelque chose d'obligatoire? Le cheikh il dit les ulama de usul, les ulama de usul al-fiqh, ils ont défini que l'obligation c'est ce que si tu le fais tu vas être récompensé et si tu le fais pas tu vas mériter le châtiment d'Allah. Al-wajib huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab. Si tu le fais, le wajib, tu vas être récompensé, et si tu ne le fais pas, tu vas être puni. C'est ça la définition, selon les ulama de usul, c'est ça la définition de qu'est-ce qui est wajib, de qu'est-ce qui est obligatoire. Comme par exemple, Nam, c'est comme as-sawm, Nam, wa yastahiqqu tarikuhu al-iqab, ou yu'aqab tarikuhu, ay Nam. Donc c'est comme le jeûne, as-sawm, as-salat, la salat, le hajj, et d'autres parmi les obligations. Alors, est-ce que de participer dans les élections, c'est devenu quelque chose de wajib, et ça a le verdict de quelque chose de wajib, que ça fait pas, c'est comparable à ces obligations-là, comme le hajj, la somme, le salat, etc. Donc, le cheikh, il dit, il mentionne le verset 116, dans Surat al-Nahl, et ne dites pas, conformément aux mensonges proférés par vos langues, ceci est halal et ceci est haram, pour forger le mensonge contre Allah. Certes, ceux qui forgent le mensonge contre Allah ne réussiront pas. Donc ça, c'est un verset clair qui nous indique qu'on ne doit pas mentionner à propos de la religion d'Allah et à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala des choses sans preuve et qui sont fausses. Yani. De dire que quelque chose est halal alors que c'est haram, de dire que quelque chose est wajib alors que ce n'est pas wajib, ainsi de suite. Après le cheikh il dit إن الذي أوجب علينا المشاركة, il dit celui qui nous a ordonné ou qui nous a obligé de participer dans ce genre d'innovation, ce sont les ennemis d'Allah, hein, ceux qui ne lâchent jamais dans leurs efforts pour nous rendre comme eux, c'est savez, les kuffars, c'est eux qui nous ont ordonné et obligé de pratiquer la démocratie et de faire les élections. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a averti de ne pas être comme eux. Et il a mentionné dans le hadith authentique, celui qui ressemble à un peuple ou qui imite un peuple, il est un des leurs, hein. Ensuite, le cheikh dit, ثم يقال ايضا كيف تكون حماية الدين أتكون باستخدام الطرق الشرعية من تعلم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه أم تكون بالطرق المحرمة المستوردة من أعداء الله كالانتخابات البرلمانية التي هي في الحقيقة هدم للدين ومن جذوره لشيخ الزي إكما أدوى défendre la religion. Est-ce que c'est en utilisant les moyens qui sont légaux en islam, selon la charia, comme le fait d'apprendre la science bénéfique et de l'appliquer, et d'inviter les gens à cette connaissance, et d'être endurant dans la difficulté lorsqu'on appelle à cette vérité, ou bien est-ce que c'est en suivant les voies qui sont interdites et qui sont ramenées par les ennemis d'Allah, comme par exemple les élections parlementaires, et qui sont en réalité une destruction de la religion de leur racine, à partir de sa racine. Le cheikh il dit, « Inna himayata din la takounu illa binashri l'aqidati s-sahiha, bayna awsati l'umma, wa tasfiyatuha mimma yubtiluha min ash-shirk al-akbari, aw yunaqisuha min ash-shirk al-asghari, wa la takounu illa binashri s-sunnati s-sahiha, wa al-qada' ala al-bida'i bishatta anwa'iha, وهكذا تكون حماية الدين لا أن نتشبه بأعداء الله ونحاكيهم في أعمالهم فنهزم من حيث نريد أن نبني لشيخ إلتي la protection de la religion elle ne peut se faire qu'en propageant la aqida qui est bonne et qui est correcte parmi les musulmans Naam. Et de purifier la religion, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et de purifier la religion de tout ce qui peut la détruire, comme alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, comme le shirk majeur, et le qu'est-ce qui pourrait diminuer aussi cette la pureté de la religion, comme le shirk mineur. Et également, la protection de la religion, ça se fait en propageant la sunna qui est authentique pour enrayer les formes de bid'a qui sont les diverses formes de bid'a qui sont propagées et donc c'est comme ça qu'on protège la religion et non pas en imitant les ennemis d'Allah et en essayant de les copier et de faire comme eux dans leur façon d'agir parce que là on ne construit pas si on agit comme ça mais on détruit plutôt. Le deuxième point de la critique par rapport à ce passage c'est الوقفة الثانية قولك قصرت في اختيار الصالحين قلت قل لي بربك من هؤلاء الصالحين الذين تدندن باختيارهم هل يستحقون هذه هل يستحقون هذه السمة التي امتدح الله أهلها بقوله إن الأرض يرثها عبادي الصالحون وبقوله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن الناظر المنصف حقا في حال المشاركين في مثل هذه المجالس النيابية يجدهم قد ضغط عليهم الحزبية المقيتة فهم يتقاتلون وراء الكراسي وحطام الدنيا الفاني ثم كيف تغفل عن الحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي بكر قال أثنى رجل على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويلك قطعت عنق صاحبك مرارا ثم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب فلانا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه واللفظ للبخاري الشيخ الزي le deuxième point que je veux te critiquer c'est au sujet de la parole quand tu dis tu as eu un manque dans le choix que tu as des hommes pieux et dis-moi par ton Seigneur qui sont ces hommes pieux au sujet duquel tu es en train de discuter? Est-ce que c'est ceux-là qui ont mérité la glorification qu'Allah a fait à leur sujet dans le Coran, dans le verset 105, dans Surat Al-Anbiya, que Allah, certes, la terre, je vais la faire hériter à mes serviteurs vertueux, ou bien le verset 196 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah dit, certes, mon Seigneur est mon protecteur, celui qui a fait descendre le livre, et c'est lui qui protège les croyants. Et il mentionne également, il dit celui qui regarde, qui observe la situation comme il faut, d'une façon qui est véridique, il va voir que ceux qui participent aux élections et qui rentrent dans les parlements, et ainsi de suite, tu vois que c'est des gens qui ont été remplis de cette fitna de la hizbiya, de partisanisme, et qui se battent les uns contre les autres, ils se combattent les uns les autres pour avoir le pouvoir, la chaise du pouvoir, et pour les choses de la dunya qui sont des choses éphémères. Et comment tu peux prendre à la légère ou bien négliger le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Bakr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'un homme a glorifié ou a fait des éloges d'un autre homme devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme qui a fait l'éloge, malheur à toi, tu as coupé le cou de ton frère, tu as coupé le cou de ton frère. Il lui a répété ça plusieurs fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite, si tu dois dire des éloges, faire des éloges ou glorifier ton frère et que tu n'as pas le choix de le faire, alors dans ce cas-là, dis, je pense qu'il est comme ça et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va le juger et je ne purifie personne ou je ne fais pas à personne une tazkiyah par-dessus la tazkiyah d'Allah. Et Allah, moi je pense qu'il est comme ça et comme ça. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait réellement. Donc c'est ça la façon dont tu dois dire, quand tu dois dire du bien de quelqu'un. C'est-à-dire, « Ahsibuhu kadhalik, wallahu hasibuhu, wala uzakki ala Allahi ahada. » Je pense ça de lui, et c'est Allah qui le jugera, c'est Allah qui va lui demander les comptes, et moi je ne fais pas de tazkiyah, je ne vais pas dire à son sujet qu'il est bon, par-dessus Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah qui le sait réellement, la réalité. Ensuite, le cheikh il dit, إن الناظر المنصف حقا, donc on a lu ça. Après, le cheikh il dit, إن الصالحين الذين امتدحهم الله تعالى في كتابه هم من كانوا على منهج النبي حقيقة صلى الله عليه وسلم لا يلوثون أنفسهم ويعرضون أعراضهم لأوحال الانتخابات لأن الصالح على الأقل سيستحضر قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما فيترك المشاركة في مثل هذه الأمور إننا لا نحرم أن يدخل الصالحون في غير على غيرهم إننا لا نحرم أن يدخل الصالحون على غيرهم ليأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر ولكن إذا قال الصالح إذا قال الطالح للصالح نحن لا نقبلكم حتى تخضعوا للصنم الديمقراطية فعند ذلك يحرم الدخول عليهم وهذا الذي يحصل في المشاركة في المجالس البرلمانية. Le cheikh il continue son deuxième point en disant que les hommes pieux que Allah a glorifiés dans son livre, ce sont ceux qui sont sur la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui le suivent réellement. Et ils ne vont pas se polluer ou se salir eux-mêmes et salir leur honneur en rentrant dans ce genre d'élection. Parce que les hommes pieux, au minimum, tu vas voir qu'ils vont toujours avoir à l'esprit et en tête la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée par l'imam al-Tirmidhi. Et qui est authentifié par Al-Albani dans Sahih Al-Jami' Al-Sahir. Il dit, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, laisse ce qui te fait douter pour ce qui ne te fait pas douter. Da'ma yaribuk, ila ma la yaribuk. Donc s'il y a quelque chose que tu as des doutes, est-ce que c'est halal ou haram? Et que tu sais qu'une autre chose, c'est certain et clair, prends ce que tu sais qui est certain et clair, et laisse ce qui te fait douter. Ce qui te fait douter, laisse-le. Hein, prends ce qui est certain. Donc ça, c'est la meilleure chose à faire. Et donc, dans un cas comme ça, si quelqu'un a des doutes que la démocratie, c'est quelque chose de pas bon, ou qu'il a des doutes que les élections, c'est mauvais, hein, alors qu'il est certain que la sunna, c'est ça qui est l'obligation à suivre, et bien qu'il laisse tomber le doute, et qu'il suive la vérité, et que c'est clair. Et le cheikh ici, il y a le hadith d'Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, il dit, il abandonne, hein, فيترك من حديث علي ابن ceci est rapporté par Al-Hassan ibn Ali, ce hadith là. Il dit donc, tu abandonnes la participation dans ce genre de choses là. Et le cheikh il dit, nous on n'interdit pas aux gens de rentrer parmi les gens qui font des péchés pour leur interdire de faire le péché et pour leur ordonner de faire le bien. Ça c'est permis de rentrer chez des gens qui font des péchés ou qui font des choses haram dans le but de leur ordonner le bien ou de leur interdire le mal, ça c'est permis. Sauf que si quand tu vas aller voir les gens qui font le péché, ils vont te dire comme condition tu dois te prosterner devant l'idole de la démocratie, sinon tu rentres pas. Eh ben, il dit dans ce cas-là, t'as pas le droit de rentrer. Et c'est exactement ça qui se passe dans les parlements. Lorsque tu, par exemple, veux rentrer dans le parlement, eux, les Ikhwan, les gens de ces tendances-là, ils disent, nous, on rentre dans le parlement juste pour ordonner le bien et interdire le mal. Le cheikh, il dit, si tu rentres, eux, ils te donnent une condition. Tu dois te prosterner devant l'idole de la démocratie. Si tu refuses, ils ne te laissent pas rentrer. Alors, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de rentrer. Parce que c'est une condition que tu ne peux pas rejeter pour ces gens-là. Donc ça c'est une condition dans leur truc, et cette condition-là elle est en opposition avec les fondements de l'islam, et donc tu ne peux pas l'accepter. Le cheikh il donne comme troisième point, Al-waqfatu thalitha, qawluka qassarta fi al-amr bil-ma'ruf wal-nahi an al-munkar al-aam al-lazi la yaqdimu alayhi illa adwa majlis al-nuwab. Aqul, qad taqaddam ar-rad al-shafi ala hadha al-qawl في عرض شبه دعاة الانتخابات الشبهة الثانية ومع هذا يقال لك عضو مجلس النواب سوف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب القواعد والضوابط المتبعة عند السلف الصالح في ذلك أم يكون ذلك على طريقة الخوارج فإن قلت إن أمره ونهيه سيكونان على طريقة السلف الصالح فهذا يخالف قولك السابق أن واجب الأمة أن تعزل الحاكم إذا فسد وأفسد وظلم وانحرف لأن قولك هذا يوافق طريقة الخوارج في قيامهم بهذه المهمة وقد سبق الكلام على ذلك وإن كانت طريقته في الأمر بالمعروف هي طريقة الخوارج فقد تقدم ذم السلف لهم وهي الأقرب إليه كما قلت ذلك في نفس الشريط حيث قلت إذن عضو مجلس النواب الآن ماذا يفعل هو الذي يراجع سياسة رئيس الدولة رئيس الحكومة ما تشتي في الاقتصاد ما تشتي في السياسة ما تشتي في الاجتماع إذا شافوا كلامه فاتر ما هو سوى قالوا فيه روح في قالوا هي روح سير تألم غيرك يجيب ذلك. En fait, là, il parle en la langue d'Arija, en yéménite, dans la langue yéménite. Donc, il dit, « هذا يوافق تماما عقيدة الخوارج في قيامهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبالمناسبة فإنه يحسن بنا أن... Okay, on va lire ça après. Le chef, il dit, bon... on a déjà réfuté cette parole, parce que c'est le troisième point, il dit, lorsque tu ne rentres pas dans les élections, ça veut dire que tu as manqué dans le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal de façon générale, c'est-à-dire en choisissant les députés qui, eux, peuvent de façon générale ordonner le bien et interdire le mal dans le Parlement. Et le cheikh, il dit qu'on a déjà réfuté ça dans la choubha numéro 2 quand on a commencé le livre. Et le cheikh, il dit, est-ce que les gens qui sont dans le Parlement, parmi les députés, est-ce qu'ils vont ordonner le bien et interdire le mal selon les règles de la charia et en suivant le manhaj des salaf, ou bien ils vont le faire à la façon des khawarij, c'est-à-dire lorsque le dirigeant il fait quelque chose qui ne leur plaît pas, il le chasse ou il l'enlève du pouvoir. Le cheikh il dit, si tu dis on va ordonner et interdire selon la voie des salaf salih, alors ça c'est en contradiction avec ce que tu as dit toi-même, que c'est obligatoire à la Ummah d'enlever le dirigeant lorsqu'il fait la corruption ou lorsqu'il est corrompu, ou lorsqu'il fait de l'injustice, ou lorsqu'il dévie. Hein? Donc ta parole ici, elle est en accord avec la voix des Khawarij dans leur comportement et dans leur attitude. Donc on a déjà parlé de ce sujet-là déjà. Donc ici ta façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal est en accord avec la voix des Khawarij. Alors on a mentionné la parole des Salaf dans la façon comment ils ont critiqué la parole des Khawarij, comment ils ont blâmé la voix des Khawarij. Et donc on voit que ta parole c'est en accord avec ce que tu... ta parole c'est en accord avec le manhaj des Khawarij, comme tu as dit toi-même dans cette même cassette, hein, dans la cassette l'intikhabat wa iradat al-umma, il a dit, et là je ne vais pas traduire la parole qu'il a dit en darija, parce que bon, ça c'est des paroles, il y a des choses que je ne comprends pas dans son dialecte, mais il dit en bas, ils ont retranscrit la parole, il dit « هذا الكلام منه باللغة العامية ومعناه أن عضو المجلس النواب يقول لرئيس الحكومة أو الدولة ماذا تريد إذا رأوا جوابه غير قوي وليس بمستقيم قالوا له أي مجلس النواب اذهب واترك هذا المنصب سنستبدلك أو سنستبدل من يقوم مقامك. Donc ça veut dire que les membres du Parlement, ils vont dire au président du gouvernement ou au chef de l'État, qu'est-ce que tu veux? Alors ils vont voir sa réponse. Si sa réponse est pas forte, et qu'elle est pas droite, ils vont dire les députés vont dire va-t'en, laisse cette place à quelqu'un, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Donc le cheikh il dit ça c'est en accord exactement avec la voix des Khawarij dans leur façon d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est-à-dire d'enlever d'essayer de prendre la place et d'enlever le dirigeant du pouvoir. Après le cheikh il dit وبالمناسبة فإنه يحسن بنا أن نعترف على منهج السلف في النصيحة لأئمة المسلمين. فعن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأخرج ابن أبي عاصم من حديث عياض بن غنم رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لذي السلطان فلا يبديه علانية ولكن يأخذه بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. Donc le cheikh il dit, et dans cette occasion on va donc ce serait bien de mentionner pour faire connaître le manhaj des salaf dans la façon de donner le conseil aux dirigeants aux dirigeants des musulmans. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui, ils ignorent ça. Ils connaissent pas la manière de faire la nasiha pour les dirigeants, et ils suivent la méthode des khawarij, des takfiriyin et des hizbiyin, qui veulent juste faire le désordre, et juste salir la réputation des dirigeants pour que la population commence à le détester. Ils commencent à vouloir se rebeller contre les dirigeants. Donc, ils mentionnent les hadiths à ce sujet-là. Et les paroles des ulama. Donc il commence en mentionnant le hadith de Tamim ad-Dari. Tamim ibn Aws al-Dari, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est le bon conseil. On a dit, pour qui au messager d'Allah? Il a dit, pour Allah, c'est-à-dire d'avoir la sincérité envers Allah. Et il a dit, wa li kitabi, c'est-à-dire, et envers son livre. Et ensuite il a dit, wa li rasuli, c'est-à-dire envers son messager. Wa li a'immati al-muslimin wa ammatihim, et envers les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Ensuite, ça s'est rapporté dans Sahih Muslim. Ensuite, il a mentionné un autre hadith qui est rapporté selon Ibn Abi Asim, selon Ayyad ibn Ghanem, radiallahu anhu, qu'il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui a un conseil à donner à celui qui est au pouvoir, qu'il ne le fasse pas en public, qu'il ne le fasse pas devant les gens, qu'il le prenne par la main et qu'il s'en aille en privé avec lui. Et qu'il lui donne son conseil, donc en privé. S'il accepte son conseil, alors ça c'est bien, mais s'il ne l'accepte pas, il a rempli son devoir. Si le dirigeant n'accepte pas ton conseil, alors tu as rempli ton obligation et ton devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Donc ça c'est à propos de la sunnah, comment on doit donner la nasiha au dirigeant. C'est pas en public, devant tout le monde, tu dis, ah, le dirigeant, il a fait ça, il a fait ça, il est pas bon, ici et ça, tu vois. Ou bien ceux qui le font de façon même générale, hein. On a vu ça surtout dans les événements de Gaza et tout. Ah, les dirigeants arabes, les dirigeants musulmans, ils sont bons à rien, ils font ci, ils font ça, hein. Des paroles de ce genre qu'on a entendues dans la bouche de ces gens-là. Ils sont, pourquoi ils se mettent pas ensemble, pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça. Alors qu'ils ne sont pas placés à leur place pour prendre des décisions. Et ils ne sont même pas aptes à comprendre quoi que ce soit de la réalité de ces situations-là. Eux, ils veulent juste voir frapper. Hein. Ils ne comprennent pas peut-être les réalités des choses. Donc, le cheikh il mentionne que ce hadith-là, il est authentique. Le cheikh Al-Albani, il a dit, cet isnad, il est sahih. Et il mentionne ça dans le livre qui s'appelle As-Sunnah de Ibn Abi Asim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh dit, aqwal as-salaf fi bayan an-nasihah li a'immat al-muslimin. Les paroles des salafs pour clarifier la nasiha pour les imams, les dirigeants des musulmans. Le cheikh dit, qala al-Khattabi, an-nasihah li a'immat al-muslimin, an yuti'ahum fil haqq. وأن لا يرى الخروج عليهم بالسيف إذا جاروا. للشيخ المثنى فقال الإمام الخطابي dans son livre معالم السنن. هذا هو الشرح للسنن أبي داود. Il dit quoi? Il dit la nasiha pour les dirigeants des musulmans, c'est de les obéir dans la vérité et qu'ils ne voient pas ou qu'ils ne pensent pas à prendre l'épée pour se rebeller contre lui, même lorsqu'il fait de l'injustice. Il ne voit pas qu'il doit prendre l'épée contre lui pour se rebeller contre lui ou se révolter contre lui lorsqu'il fait de l'injustice. Ensuite, il mentionne les paroles d'Ibn Salah. Il dit, قال Ibn Salah, مُعَوَلَتُهُمْ عَلَى الْحَقِّ وَطَاعَتُهُمْ فِيهِ وَتَنْبِيهُهُمْ وَتَذْكِيرُهُمْ فِي رِفْتٍ وَلُطْفٍ وَمُجَانَبَةُ الْوُثُوبِ عَلَيْهِمْ والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. Le cheikh il mentionne donc dans les paroles d'Ibn Salah. C'est dans son livre صيانة صحيح مسلم من الإغلاق من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط. Donc il mentionne que Ibn Salah a dit par rapport à la nasiha aux dirigeants, il a dit il faut les aider dans la vérité, il faut les obéir dans la vérité, et il faut leur faire noter, leur faire prendre note et leur rappeler de la vérité, et avec douceur et avec birisque, la douceur ou l'autre, c'est ça, c'est la même chose, la douceur, l'autre ou risque, c'est presque la même chose. Délicatesse et douceur. Mujanabat al-wuthub alayhim. Yani, wa du'a'i lahum bit-tawfiq. وترك الوثوب عليهم ça veut dire يعني de ne pas s'élancer contre eux, c'est-à-dire de ne pas se rebeller, de ne pas يعني sortir contre les dirigeants. يعني. Et il dit on doit faire des doigts pour eux et inciter les gens à faire des doigts pour eux. Ensuite il mentionne les paroles de l'imam al-Nawawi à ce sujet dans Sharh Sahih Muslim. قال النووي أما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتآلف القلوب وتآلف قلوب الناس لطاعتهم. Regardez, les paroles de l'imam al-Nawawi, c'est presque la même chose que les paroles d'Ibn Salah. Il dit, en ce qui concerne la nasiha pour les imams des musulmans, les dirigeants des musulmans, il faut les aider dans la vérité, il faut les obéir dans la vérité, et il faut leur ordonner la vérité, et il faut leur indiquer et leur rappeler la vérité avec douceur et avec délicatesse. Et il faut leur faire savoir les choses qu'ils ont négligé ou rafalou anhu, ça veut dire ils ont été insouciants ou ils n'ont pas pris en considération ou n'ont pas ils ont été disons insouciants de ces choses-là, donc il faut leur dire ces choses-là et leur informer de ces choses-là et peut-être qu'ils n'ont pas su certaines choses qui ont rapport avec les droits des musulmans, c'est-à-dire ils ont été disons ils n'étaient pas au courant ou ils n'étaient pas conscients de ça, donc de leur rappeler de ces choses-là et de leur informer de ces choses-là. Et d'abandonner la rébellion contre eux et le khuruj contre eux. Et de ramener les cœurs ramener le cœur des gens vers leur obéissance. De rassembler le cœur des gens pour qu'ils obéissent leurs dirigeants. Hein? Donc, vous voyez la parole des ulama à ce sujet-là, c'est le contraire de ce que disent aujourd'hui les hizbiyyin et les takfiriyin et les autres qui appellent à la fitna, parmi les sururiyah et les qutbiyin et les autres, qui au contraire appellent à la rébellion et appellent les gens à détester les dirigeants. قال ابن رجب أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة الافتراق أو كراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة الله عز وجل والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعة الله عز وجل. Le Cheikh il dit, Ibn Rajab, l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, il dit dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, en ce qui concerne la nasiha pour les dirigeants, les imams des musulmans, il faut les aimer, aimer leur bonté, leur droiture et leur justice. Il faut aimer le fait de réunir la Ummah autour d'eux. Et il faut détester le fait que les gens se divisent, que la Ummah se divise à propos d'eux. Et il faut leur obéir comme si on considère que de les obéir, ça fait partie de la religion d'Allah. C'est un acte d'adoration de leur obéir dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et de détester ceux qui appellent ou qui pensent qu'on doit se rebeller contre eux. Et de détester ceux qui appellent à la rébellion et la révolte contre eux. Et d'aimer les respecter et les élever dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est une autre parole d'un autre parmi les savants de l'islam. قال الشوكاني إمام الشوكاني زيد سيل الجرار ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. Donc il dit que si tu as vu une erreur de la part de ton dirigeant dans certaines questions, tu dois lui donner le nasiha, mais tu ne fais pas ça publiquement. Hein, tu vas pas montrer les erreurs de ce dirigeant-là de façon publique, à la rouse et l'ashhad, devant tout le monde. Hein, non. Tu vas faire comme dans le hadith. Tu le prends par la main et tu le prends en privé et tu lui donnes la nasiha. Et tu n'humilies pas le sultan. Hein, tu n'humilies pas le dirigeant d'Allah, celui à qui Allah a donné l'autorité. Ça, c'est juste pour les musulmans. Non, c'est pas que tu dois faire ce que tu veux, ça dépend. Même le non-musulman, il y a certaines règles à respecter aussi. Mais ça veut pas dire parce que ça dépend du contexte aussi. C'est pas comme si... C'est vrai que, regarde, un kafir, hein, tu dois pas leur faire du tort, leur faire du mal, leur prendre leur bien, des trucs comme ça. Et le dirigeant kafir, c'est la même chose. Tu es rentré dans son pays, tu vis ici, donc tu dois respecter certaines règles, étant donné que tu es dans un pays où tu as donné ton accord, que tu vas respecter les droits et les principes, et les biens et l'honneur et les principes des gens qui sont là. Et ils ont ton entente que tu as signée avec eux. Donc tu dois respecter cette entente-là. Et tu dois toujours voir qu'est-ce qui va amener le plus de bien et pas le mal. Hein. Donc si tu crois que la façon dont tu vas agir envers un dirigeant, si tu vois que, parce que le problème, comme tu dis toi, est-ce que c'est envers les dirigeants musulmans ou non? Il y en a parmi des groupes de Hizbiyin, ils font le takfir des dirigeants musulmans. Et même s'ils sont musulmans, ils les déclarent kuffar. Hein, et ils vont dire, ah mais on n'est pas besoin d'agir avec eux comme selon les règles de l'islam, parce que ce ne sont pas des musulmans. Et eux, ils ont décidé eux-mêmes que ce ne sont pas des musulmans. Alors qu'ils ne sont pas à la place pour déterminer que ces dirigeants-là sont musulmans ou non. C'est les ulama qui doivent décider ou qui doivent juger dans ces questions pour décider est-ce que ce sont des dirigeants musulmans ou non. Et nous, on ne parle pas des koufars chrétiens, juifs, ceux qui sont clairement koufars. Ceux-là, c'est clair qu'ils sont des koufars. Mais même avec eux, il y a des règles à respecter quand même, selon les règles de l'islam, comme les ulama nous ont expliqué. Hein. Mais par rapport aux ceux qui sont musulmans et que certains takfiriens déclarent koufars, ça c'est autre chose. Tu ne peux pas considérer qu'ils sont des koufars juste parce que tu dis ils n'appliquent pas la charia ou des choses comme ça. Donc, le cheikh il dit ensuite, donc on a expliqué ce point-là de l'imam al-Shawkani. Maintenant, on va lire la parole de l'imam al-Sa'di, rahimahullah. Le cheikh al-Sa'di dit أما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من السلطان العظم إلى الأمير إلى القاضي إلى جميع من له ولاية صغيرة أو كبيرة فهؤلاء لما كانت مهماتهم وواجباتهم أعظم من غيرهم وجب لهم من النصيحة بحسب مراتبهم ومقاماتهم وذلك باعتقاد إمامتهم والاعتراف بولايتهم ووجوب طاعتهم بالمعروف وعدم الخروج عليهم وحث الرعية على طاعتهم ولزوم أمرهم الذي لا يخالف أمر الله ورسوله أمر الله ورسوله وبذل ما يستطيع الإنسان من نصيحتهم وتوضيح ما خفي عليهم فيما يحتاجون إليه في رعايتهم كل أحد بحسب حالته والدعاء لهم بالصلاح والتوفيق فإن صلاحهم صلاح لرعيتهم واجتناب سبهم والقدح فيهم وإشاعة مثالبهم فإن في ذلك شرا وفسادا كبيرا فمن نصيحتهم الحذر والتحذير من ذلك وعلى من رأى منهم ما لا يحل أن ينبههم سرا لا علنا بلطف وعبارة تليق بالمقام ويحصل بهذا المقصود ويحصل بها المقصود فإن هذا مطلوب في حق كل أحد وبالأخص ولاة الأمور فإن تنبيههم فإن تنبيههم على هذا الوجه فيه خير كثير وذلك علامة الصدق والإخلاص فاحذر أيها الناصح لهم على هذا الوجه المحمود أن تفسد نصيحتك بالتمدح عند الناس فتقول لهم إني نصحتهم وقلت فإن هذا عنوان الرياء وعلامة ضعف الإخلاص وفيه أضرار أخرى معروفة. Le cheikh il explique, il parle de cheikh Sa'adi, masha'Allah, ils sont très très clairs. Le cheikh il dit que la nasiha pour les dirigeants des musulmans, et ceux-là ce sont tous ceux qui ont une responsabilité et une autorité dans la société, parce qu'ils ont une plus grande autorité que les autres, hein, et ça part du dirigeant jusqu'au juge, hein, et tous ceux qui ont une autorité dans la société, que ce soit une responsabilité qui est plus grande ou plus petite, tous ceux-là font partie de ceux qui ont une autorité. Alors pour eux, étant donné qu'ils ont des plus grandes charges, des plus grandes obligations, alors ils ont un droit plus grand au respect et à la nasiha, hein, selon leur degré et selon leur niveau. Et donc, premièrement, c'est de croire qu'ils sont nos dirigeants. Deuxièmement, de reconnaître qu'ils sont à cette place d'autorité-là. L'obligation de leur obéir dans le bien, et de ne pas se rebeller contre eux, et d'inciter le peuple à leur obéir, et de rester sous leur commandement, tant que ça ne contredit pas l'ordre d'Allah et de son messager, et de faire tout notre effort, hein, que quelqu'un fasse tout son effort pour leur donner le bon conseil, et leur clarifier ce qui leur a échappé, hein, dans ce qu'ils ont besoin de connaître pour bien s'occuper des musulmans et de leur peuple et de la société. Et chaque individu a cette responsabilité-là selon son état et selon sa situation. Et on doit également faire des du'as pour eux pour que Allah les réforme et les corrige et leur donne le succès. Et aussi, parce que le cheikh dit pourquoi il faut faire des du'as pour eux, pour le bien, parce que si eux ils sont bons, eh bien ça va revenir, ça va donner du bien pour tous les musulmans également, ok. Et il faut également éviter de les insulter et de les critiquer ou de les attaquer, ou bien de parler en mal d'eux publiquement, hein, parce que ça ramène beaucoup de mal et beaucoup de corruption, de grands désordres. Et il faut également faire attention et avertir les gens contre ce genre de choses-là. Et si tu vois quelque chose qu'ils font qui n'est pas permis, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si tu vois quelque chose qu'ils font qui n'est pas halal, qui n'est pas permis, alors tu vas les voir en secret, pas publiquement. Tu vas les voir en secret et tu leur donnes la nasiha avec douceur et avec délicatesse, avec des expressions qui conviennent au niveau et à la situation de ces hommes-là, parce que ce sont pas des gens n'importe qui, ce sont des dirigeants, ils ont une position d'autorité, donc il faut leur parler avec respect et leur montrer le respect qu'ils méritent. Et en faisant ça, c'est là que tu vas voir que tu vas arriver à ton but, à ton objectif. Hein? Et le cheikh il dit, parce que ça c'est quelque chose qui est demandé de chaque individu et en particulier envers les dirigeants, de leur montrer le bien, de leur indiquer le bien de la meilleure façon. Et si tu fais ça, tu vas faire quelque chose de très très bien, très grand. Et ça montre en réalité que tu es sincère et que tu fais ça uniquement pour Allah. Et fais attention, toi qui donnes la nasiha, de pas détruire ta nasiha en commençant à chercher la glorification des gens et la louange des gens. Comme si tu vas aller voir les gens puis tu vas dire, ouais, moi j'ai fait la nasiha au dirigeant, je lui ai dit ça, je lui ai dit ça, je lui ai dit taqillah, hein, j'ai pas eu peur, je suis allé le voir en face et je lui ai dit la vérité. Si, le chef il dit, si tu fais ça, ça montre que tu veux juste te montrer devant les gens, tu fais le riya. et ça montre que tu as très une faiblesse dans, dans ta sincérité et dans la pureté de tes intentions envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il y a beaucoup de mal dans ce genre d'attitude-là. Donc les gens qui disent par exemple, ah les dirigeants, et ainsi de suite là, et qui parlent comme ça là, ceux-là c'est des gens qui ont très peu de sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent juste se faire montrer aux gens pour dire, regardez, moi je suis courageux, j'ai pas peur et tout. Et on a le pire maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les sites internet, ils vont dans des trucs là, ils prennent des pseudos, puis ils vont pour insulter les dirigeants. Ils écrivent des insultes et des choses fausses, même ils mentent, parfois ils inventent des mensonges sur les dirigeants, des calomnies, pour toujours rabaisser les dirigeants. Et on dirait que c'est automatique, que si tu deviens dirigeant, on est obligé de te détester, on est obligé de t'insulter, de dire des mensonges sur toi. Hein? Quelqu'un, il va être au pouvoir un jour, juste un jour, et tout de suite il commence à dire des choses contre lui, derrière son dos. Est-ce que ça c'est quoi l'intention des gens qui parlent comme ça? Est-ce que c'est ils font ça uniquement pour le visage d'Allah, pour plaire à Allah seulement, parce qu'ils veulent le bien, ou bien ils font ça pour d'autres raisons et pour d'autres intentions qui ne sont pas en accord avec l'islam? Donc on va lire une autre parole que le cheikh a mentionnée, c'est la parole du cheikh Ibn Baz à ce sujet-là. Il dit « قال الشيخ ابن باز رحمه الله من مقتضى البيعة النصح لولي الأمر » Les paroles de le cheikh Sa'di, c'est dans Riyad al-Nadira, à la page 41. Dans les paroles de cheikh Ibn Baz, le cheikh dit « ومن مقتضى البيعة النصح لولي الأمر ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية » وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة لأن من أسباب صلاح الوالي ومن أسباب توفيق الله له أن يكون له وزير صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا ذكر هذه من أسباب توفيق الله له فالواجب على الراعي وعلى أعيان الرعية التعاون مع ولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإماتة الخير وإقامة الخير بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرتجى من ورائها الخير دون الشر. Donc ça c'est dans le livre « Al-Muraja'atun fi fiqh al-waqi' al-siyasi wal-fikri » à la page 31. Cheikh Ibn Baz il dit parmi les choses qui sont impliquées par la bay'a, lorsque tu as donné ton allégeance à un dirigeant, tu dois lui donner la nasiha au dirigeant. Et parmi les choses qui font partie du bon conseil, de faire des du'as pour le dirigeant pour demander à Allah qu'il lui donne le succès et la guidance. Et pour lui demander de le corriger, que Allah corrige son intention et ses actions, et qu'il lui donne un bon entourage, hein, des bons conseillers. Parce que s'il a, parmi les causes qui vont faire que le dirigeant va être correct et va être bon, c'est parmi ces causes-là, parmi les causes qui vont faire que Allah va lui donner le succès, c'est qu'il ait un bon ministre, des bons ministres qui l'entourent, et qui l'aide à faire le bien, et qui lui rappelle lorsqu'il oublie, et qui l'aide à se rappeler, hein, pour lorsqu'il se rappelle, il l'aide dans le bien. Et ça, ça fait partie des causes du succès que Allah lui donne, des causes qui vont faire qu'Allah va lui donner le succès, et qui vont faire mourir le mal, et qui vont faire qui vont faire en sorte que le mal va être enlevé, hein, et qu'on va établir le bien, et avec la bonne parole, et la bonne méthode qu'on utilise pour lui donner le bon conseil, et ainsi de suite. Et les indications qu'on va lui donner et les conseils qu'on va lui donner avec une parole droite. Si on fait ça, hein, si on lui donne toutes ce bon conseil-là de cette façon, on peut espérer derrière ça beaucoup de bien et non pas le mal. Donc ça, c'est les paroles des ulama à ce sujet-là. قلت وهذا منهج مستقى من الكتاب والسنة وهو الذي عليه العمل في القديم والحديث ومن خالف هذا المنهج ووقعت في البدعة والضلالة كما هو حال دعاة الانتخابات. الشيخ الزي et ça, ce manhaj, il est tiré, hein, il vient s'abreuver dans le Coran et dans la Sunna. Il est extrait du Coran et de la Sunna. Et c'est sur ce manhaj-là qu'il faut agir. Les gens ont toujours agi comme ça, dans le passé comme aujourd'hui, ceux qui sont sur la Sunna. Et ceux qui ont contredit cette voie, alors ils sont tombés dans la bid'a et dans l'égarement. Et ça, c'est la situation des gens qui appellent aux élections aujourd'hui. Ensuite, le cheikh, il dit... C'est ça, dans un cas comme ça, les ulama, ils ont dit, si t'es dans un pays où le dirigeant, il n'est pas musulman, tu l'obéis dans le bien, ok, et puis tu évites pour faire la fitna. Puis les ulama, ils ont expliqué, comme Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, et d'autres ulama parmi les salafs, ont dit, si le dirigeant, il est vraiment kafir, hein, et que tu es capable de l'enlever du pouvoir, puis de le remplacer par un dirigeant musulman, sans que ça crée de désordre, sans que ça fait couler le sang des musulmans, sans que ça crée de fitna, alors dans ce cas-là, oui, c'est obligatoire de le faire lorsque tu as la force nécessaire et la capacité. Mais si tu n'as pas la force nécessaire, que tu n'as pas la capacité et que tu ne peux pas le faire sans créer plus de désordre et plus de mal, et que tu vas faire couler le sang des musulmans et des innocents, et que ça peut avoir des répercussions par la suite plus graves si vous n'avez pas le succès dans votre affaire, dans ce cas-là, c'est mieux de laisser ça comme ça. Et donc vous restez, vous êtes patient, hein, vous continuez à pratiquer votre religion, et vous l'obéissez dans le bien, et vous l'appelez à l'islam, et vous lui faites la da'wah à l'islam, peut-être qu'Allah va le guider, hein, Allahu a'lam. Donc à ce sujet-là, c'est cette réponse qu'on peut donner. Le cheikh dit ensuite, « Al-waqfatu rabi'a, qawluka, qassarta fi ada'il amanati ila ahliha » Il dit dans le quatrième point, dans la parole de Zindani, « Tu as manqué dans le dépôt » que tu dois remettre à ceux à qui ce dépôt appartient. C'est l'amana. Le cheikh dit, « Qultu, mata asbaha as-sawt amana yanbaghi an yu'adda lakum, thumma hal antum ahlun litahmalu hadhihi al-amana ?» فإن قلتم نعم فقد زكيتم أنفسكم وطلبتم الإمارة والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تذم الحرص على الإمارة وإن قلتم لسنا أهلا لتحملها أي نعم فهل ثم هل أنتم أهل لتحمل هذه الأمانة فإن قلتم نعم فقد زكيتم أنفسكم وطلبتم الإمارة والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وقد تقدم ذكر الأحاديث التي تذم الحرص على الإمارة وإن قلتم لسنا أهلا لتحملها قلنا لكم قد عرفتم قدر أنفسكم فلا تجاوزوا ذلك. Le point numéro 4, c'est lorsqu'il dit ça, là, la question du dépôt de l'amana. Donc il dit, depuis quand le vote est devenu une amana et qu'on doit vous la remettre? Il dit, est-ce que vous êtes des gens qui sont capables de prendre cette amana et de la porter? Si vous dites oui, alors c'est comme si vous êtes donné à vous-même la tazkiya. Comment on dit tazkiya? Chaque fois, j'ai des difficultés. C'est comme si vous êtes donné déjà à vous-même le crédit. Hein, vous êtes déjà approuvé que vous-même vous êtes bon, que vous êtes vous-même correct. Hein, c'est comme si vous êtes déjà déclaré vous-même, comme si ça y est, nous on est bon, on est capable de prendre la responsabilité. Et le cheikh il dit, Allah il dit dans le Coran, dans le verset 32, dans Surat al-Najm, ne vous purifiez pas vous-même, ne vous déclarez pas bon vous-même. Allah, c'est lui qui connaît vraiment qui est-ce qui a la taqwa, hein, qui est sur la taqwa. Donc, le cheikh, il dit, on a déjà mentionné les hadiths qui blâment le fait d'essayer de chercher à obtenir le pouvoir et la dirigeance. Et si vous dites, non, on n'est pas aptes, on n'est pas les gens qui sont bons pour prendre la responsabilité, alors, nous, on vous dit, dans ce cas-là, vous avez connu votre limite. Et essayez pas donc de dépasser la limite, alors que vous n'êtes pas capable. Le cheikh il dit ensuite comme cinquième point, « Al-waqfatul khamisa, qawluka, ماذا تجيب على ربك غدا؟ أقول من أين لك أن الله سائلنا عن عدم المشاركة في الانتخابات؟ هل هذا افتراء على الله أم أنه تكهن وادعاء لعلم الغيب؟ فاختر أيهما شئت. Le cinquième point que le Cheikh mentionne, il dit, qu'est-ce que tu réponds, qu'est-ce que tu vas répondre à ton Seigneur demain du fait que tu as manqué à tes obligations et à ton devoir par rapport à ces choses-là? Et le Cheikh, il répond, il dit, où est-ce que tu as entendu que Allah il va nous poser des questions au jour du jugement dernier parce qu'on n'a pas participé aux élections? Où est-ce que tu as vu ça, toi, qu'Allah il va nous demander sur les élections dans l'islam? Est-ce que ça c'est un mensonge à propos d'Allah, ou bien c'est que vous êtes en train de faire de la voyance, vous prévoyez l'avenir, ou vous connaissez l'invisible? Choisissez n'importe quel des deux. Hein, qu'est-ce que vous pensez? Que vous êtes en train d'inventer un mensonge ou que vous connaissez l'avenir? Hein, les deux sont mauvais, les deux sont faux, impossible. Le point numéro 6, al-waqfatu sadisa. قولك وعلى هذا الأساس أفتى العلماء بأن توكيل الصالحين في هذا الأمر واجب متعين على كل مسلم قادر أن يقوم بهذا الواجب. قلت قال تعالى أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. إن هذا الأساس الذي أفتى من أفتى من دعاة الانتخابات بجوازها أسس على شفا جرف هار، فإذا كان الأساس ليس على تقوى من الله فإن البنيان لا يثبت ولا يستقيم، كذلك الانتخابات أساسها فاسد كما تقدم، ففسدت هذه الفتية لأنه ما بني على فاسد وباطل فهو فاسد وباطل. وكذلك يقال لك سمي لنا هؤلاء العلماء، أهم من علماء السنة المشهود لهم بالعقيدة السلفية أم أنهم من دعاتكم الحزبية من دعاتكم الحزبيين؟ Donc le Cheikh il dit ici comme sixième point, et c'est sur cette base-là que les ulama ont fait la fatwa que c'est obligatoire de donner la responsabilité de mettre à cette place-là les hommes pieux, hein, dans cette question-là, et de, yani, que c'est obligatoire pour nous de mettre à cette place-là les gens qui sont pieux pour qu'ils prennent cette responsabilité-là. Chaque musulman qui est capable, il a cette responsabilité et c'est obligatoire pour lui de le faire. Donc le cheikh il mentionne le verset 109 dans Surah Tawbah à ce sujet. Le cheikh dit, lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Allah ne guide pas les gens injustes. Hein? Donc, le cheikh il mentionne ce verset. Il dit que les gens qui appellent à la démocratie, qui ont fait la fatwa de la démocratie, hein, ils ont établi leurs assises sur le bord d'une falaise croulante. Hein? C'est ce qu'il dit le cheikh. Ils ont basé leurs assises sur le bord d'une falaise croulante. Alors, si la base n'est pas établie sur la crainte d'Allah, alors elle ne va pas rester solide, elle ne va pas rester droite. Et donc, c'est la même chose pour celui qui a fait des fatwas pour la démocratie. Sa base, elle est corrompue. Et donc, étant donné que sa base, elle est corrompue, alors le reste, elle est corrompue également. Et le cheikh il dit ensuite, on peut te demander, nomme-nous qui sont ces ulama. Est-ce que ce sont les ulama de la sunna, hein, de qui on a témoigné que leur aqidah est une aqidah salafia, ou bien ce sont des gens parmi vos du'as qui appellent à toutes sortes de partis? partis et à des formes de chizbiya. Le cheikh dit wala ikhaluhum wala ikhalahum illa hum thumma inna al-haq كما تقدم لا يعرف بالرجال وإنما الرجال يعرفون بالحق فنحن ينبغي لنا أن لا نقلد التقليد الأعمى بل علينا أن نطلب الأدلة الشرعية على كل قول ومن كل على كل قول من كل من كان وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين Donc le chef il mentionne dans ce point-là, ensuite il dit, et je ne doute pas que ce soit des chizbiyyins, hein, et il dit, mais de toute façon, même si c'était pas des chizbiyyins, c'est ulama qui ont donné la fatwa pour les élections, on ne reconnaît pas, ou on ne juge pas la vérité par les hommes, mais on juge les hommes par la vérité, ok? Et il dit donc qu'on ne doit pas suivre les gens d'une façon aveugle, parce qu'un savant a dit quelque chose, on le prend. Mais on doit lui demander la preuve de la charia pour chaque parole, hein, peu importe qui il est. Et le cheikh il mentionne le verset 65 dans Surat al-Qasas, qui dit, et le jour où on va les appeler, et on va leur demander, qu'est-ce que vous avez répondu aux envoyés? Ensuite il dit, al-waqfatu sabi'a, c'est le dernier point, قولك لأنه معاونة على إقامة الدين وعلى تحقيق الشورى وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقول ما هذه العلة العليلة كيف تكون الانتخابات معاونة على إقامة الدين وهي في الحقيقة هدم للدين من أساسه وكيف تكون معاونة على تحقيق الشورى وهي في الحقيقة تحقيق للديمقراطية الكافرة وكيف تكون معاونة تكون معاونة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي في الحقيقة المنكر بعينه ولكن ما عسانا أن نقول إلا ما قاله القائل يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن الشيخ الزيكم point numéro 7 et ça c'est quelque chose qui vient pour aider dans l'établissement de la religion et la réalisation de la Shura et l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal. Le cheikh dit, je dis à ce sujet-là, c'est quoi cette raison ou cette explication qui est incorrecte ou cette justification qui est fausse. Comment on pourrait dire que de faire les élections c'est quelque chose qui vient aider à établir la religion? Alors que la réalité, c'est que la démocratie vient pour détruire la religion de la base. Et comment on pourrait dire que les élections viennent aider à réaliser la shura, la consultation, alors qu'en réalité, c'est pour établir la démocratie des mécréants, hein, et qui est un système de coffre. Et comment tu peux dire que ça vient aider à ordonner le bien et interdire le mal, alors qu'en réalité c'est un mal en lui-même d'utiliser cette méthode-là. Et donc il dit, on peut dire, il mentionne les paroles d'un poète en fait, qui dit que ces gens-là des fois ils ont renversé les choses et ils voient comme étant bon, qu'est-ce qui n'est même pas bon. Donc c'est ça souvent qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Puis, si moi juste voir quelle heure il est. 13. On peut lire le dernier petit point, c'est juste deux paragraphes, un petit paragraphe. J'ai révisé Al-Mulahaza al-Thamina. قال لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم الى الانصار في بيعه العقبه وكان عددهم فوق 70 شخصا قال اخرجوا لي 12 نقيبا اي تراضوا فيما بينكم على 12 حتى حتى أتفاهم معهم إذا اخترنا مجلس النواب أناسا صالحين اختاروا الوزراء الصالحين. OK. Donc le huitième point, ça dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec les Ansar pour prendre la bay'a de Aqaba, leur nombre était plus que 70 personnes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, choisissez 12 personnes parmi vous. Hein, et donc, il dit, Zindani, donc, choisissez ceux que vous êtes satisfaits d'eux parmi vous, et choisissez 12 personnes d'entre vous pour que je puisse me mettre d'accord avec eux. Et ensuite, il dit que lorsqu'on choisit des députés qui sont pieux, eux, ils vont choisir des ministres qui sont pieux. Donc, le cheikh, il répond à cet argument. Il dit, قُلْتُ كَيْفَ وَصَلَ بِكَ الْحَالِ إِلَىٰ أَن تَسْتَدِلْ بِهَذِهِ الْحَادِثَ عَلَىٰ قَضِيَّةِ الْإِخْتِيَارِ فِي الْإِنْتِخَابَاتِ أَنَا عَلِمْتَ أَنَّ هَذَا النِّدَاءَ مُوَجَّهٌ إِلَىٰ أَصْحَابِ بَيْعَةِ الْعَقَبَةِ وَهُمُ الْأَنْصَارِ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَلَمَةَ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ كَمَا أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنهما ولهما من حديث البراء أنه قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله واللفظ للبخاري في كلا الحديثين فهل قياسك هذا يستقيم مع ما يحويه مجلس النواب من أحزاب مختلفة مختلفة المشارب والأفكار الذي هو خلاصة اختيار الشعب فقياسك هذا قياس مع الفارق فظهر بطلان الاستدلال به Le cheikh, il répond à ça, il dit, comment tu peux comparer cet événement-là qui s'est passé avec, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec les élections? Est-ce que tu sais pas que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait aux compagnons qui ont donné l'allégeance à l'Aqaba? Hein, Allah, il dit qu'il était satisfait d'eux. Hein, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Allah a dit dans le Coran qu'il est satisfait de ceux-là. Hein, et ce sont les Ansar. Donc, est-ce que tu ne sais pas que d'aimer les Ansar, c'est un signe de foi? Walaykum salam wa rahmatullah. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit, le signe de la foi, c'est d'aimer les Ansar. Et le signe de l'hypocrisie, c'est de détester les Ansar. Et ça, c'est rapporté selon Anas, radiallahu anhu. Et dans un autre hadith qui est rapporté selon Al-Bara, il dit, les Ansar, c'est uniquement les croyants qui les aiment. Et personne ne les déteste excepté un hypocrite. Donc celui qui les aime, Allah va l'aimer, et celui qui les déteste, Allah le déteste. Est-ce que tu peux dire ça des députés dans le Parlement? Non. Donc comment tu peux faire cette analogie-là et cette comparaison, hein, en comparant les Ansar aux gens qui sont dans les députés, dans les Parlements? Mais les deux choses sont complètement différentes. Tu sais que les députés, c'est des gens qui sont dans toutes sortes de différents partis, différentes tendances politiques, hein, différentes pensées, ainsi de suite. Et ils sont le résultat de ce que le peuple a choisi. Donc ce qiyas, cette analogie que tu fais, c'est un qiyas qui est totalement, qui ne s'applique pas du tout, parce que c'est complètement différent. Il n'y a pas de point en commun entre les deux. Et donc on voit que ton argument est complètement incorrect. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et puis on continuera la semaine prochaine, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.